Continent Science, Stéphane Delisgeorges. J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. En direct de la maison ronde de la maison de la radio, en direct du studio numéro 1, comme en ouverture chaque semaine de la série Science, Continent Science lundi, bonjour à toutes et bonjour à tous. À notre sommaire aujourd'hui, eh bien, quelques relations, quelques exemples de relations et de réflexions d'ailleurs, entre la philosophie et les mathématiques, entre les mathématiques et l'expérience, donc entre deux ouvrages dont je viens de vous donner les titres, et avec nous, Charles Aluny, qui dirige le laboratoire disciplinaire Pensée des sciences à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, mais qui est aussi chercheur à une autre école normale, mais celle-ci, cette fois, l'École normale supérieure de Pise. Un côté transalpin, donc, pour le chercheur. Et puis, Jean-Pierre Clairaut, qui est philosophe, tout comme, bien sûr, Charles Aluny, et qui est professeur émérite de l'Université de Rouen. Et puis, on verra aussi qu'il s'intéresse à un autre personnage à travers certaine institution. Mais, sans bouger nos traditions et nos habitudes, voici tout de suite la chronique animalière. Pour cette chronique animalière, aujourd'hui, je retiens l'hippopotame. L'hippopotame, alias Hippopotamus amphibius. Voici pourquoi. Les hippopotames, comme l'on sait, sont en voie de disparition dans la nature, mais se reproduisent très bien en captivité. Et de ce fait, positif, les zoos font face à un réel problème de limitation des naissances. Une femelle vit en effet en moyenne 40 ans, ce qui représente une longue vie. Une longue vie pendant laquelle elle peut mettre au monde jusqu'à 25 jeunes, ce qui est beaucoup trop pour le réseau des parcs animaliers. Les zoos européens font en effet face à une surpopulation d'hippopotames. Ainsi, dans l'esprit des biologistes, la castration semble ou a semblé la solution la mieux adaptée pour contrôler cet essor démographique. Elle présente le double avantage de limiter la population, bien sûr, et de réduire l'agressivité du mâle. Mais elle présente le plus difficile des actes à mettre en œuvre. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il est nécessaire de prendre en compte minutieusement diverses précautions, cela afin d'obtenir la mise au point d'un protocole sûr pour faire cette castration. Première difficulté, l'emplacement des testicules. L'emplacement des testicules varie fortement d'un individu à l'autre. Une enquête préliminaire aux ultrasons est donc nécessaire pour déterminer avec précision, très grande précision même, l'emplacement de ces organes reproducteurs. Le problème de localisation réglé, l'opération pourrait alors se dérouler sans grand risque pour l'animal. L'école vétérinaire de Vienne en Autriche s'est donc attaquée à la redoutable tâche de déterminer un protocole bien précis d'anesthésie et aussi d'ablation des testicules. Une tâche qui s'est avérée compliquée. Elle a nécessité d'expérimenter les techniques sur 10 cobayes et les résultats en ont été publiés dans la revue Thériogénéologie. Il faut tout d'abord endormir l'animal. L'équipe s'est donc attachée à déterminer le bon cocktail qui n'attend pas à la santé de l'hippopotame. Puis, il a fallu inventer un moyen d'inoculation du produit, car la peau étant particulièrement épaisse et dense. Animal adapté à la vie aquatique, l'hippopotame cache ses testicules dans le canal inguinal, ce qui permet aux chercheurs de gagner plus aisément la cavité abdominale. Ce canal inguinal est en anatomie l'un des points faibles de la paroi abdominale donc. Il s'agit d'un passage à travers la cavité qui laisse passer le cordon testiculaire chez le mâle et le ligament rond de l'utérus chez la femelle. Comme tout mammifère vivant dans l'eau et à l'instar de ses lointains cousins les baleines, l'hippopotame sécrète, en effet, par la peau, une substance rouge, une substance possédant des propriétés antibactériennes. Ils ne craignent donc pas une mauvaise cautérisation et donc une mauvaise cicatrisation. Et tout s'est bien passé dans la castration de ces hippopotames surnuméraires. Mais quelle morale tirer à cette affaire ? Surpopulation carcérale, disparition dans la nature, le monde marche vraiment sur la tête. Bonjour Charles Aluny. Bonjour Stéphane Delisgeorges. Bonjour Jean-Pierre Clairaut. Bonjour Stéphane Delisgeorges. Alors vous pouvez peut-être dire, puisque nous allons évidemment, Jean-Pierre Clairaut, parler d'un de vos auteurs favoris, puisque vous avez beaucoup travaillé sur lui. Il s'agit évidemment du révérend Baez. Mais vous avez mobilisé aussi, pour fonder cette institution, la personnalité de quelqu'un qui s'est aussi intéressé d'ailleurs au calcul des probabilités. Donc c'est la Fondation Bentham, c'est bien ça ? Oui. Il s'agit de ce que je fais à Sciences Po, enfin en particulier sur les utilitaristes, voilà. D'accord, et qui sont évidemment bien nombreux dans la tradition anglo-saxonne, oui. D'ailleurs. Alors, deux ouvrages qui sont des ouvrages, oui, collectifs. Bon, un tout à fait, on va dire, régulier, puisqu'il s'agit de la revue de synthèse, qui est une revue bien ancienne, comme va nous l'expliquer bien sûr tout de suite Charles Aluny. Et là, c'est sa livraison 136, qui a pour titre, donc, général, philosophie et mathématiques, avec une grosse partie concernant Bachelard et les mathématiques, et un certain nombre d'auteurs, et qui est ouverte par, bien sûr, une introduction et un article original de Charles Aluny. Et puis, un autre ouvrage qu'on peut dire aussi collectif, mais celui-ci qui est un ouvrage, qui n'est pas une revue, et qui est publié aux éditions Hermann, et qui s'intitule, lui, « Les mathématiques », cette fois au pluriel, et l'expérience, évidemment, au singulier, avec comme sous-titre « Ce qu'en ont dit les philosophes et les mathématiciens ». Alors, quel était votre projet avec Evelyne Barbin lorsque vous avez donc décidé d'organiser une sorte de colloque qui venait à la suite ? Parce que dans votre propos introductif, vous expliquez évidemment les antécédents et en particulier le fait que ce sont plutôt les mathématiciens dans toute leur position a prioriste, on peut dire, d'une, oui, certaine manière, ou dans tout leur idéalisme, voire leur platonisme intempérant pour certains, en tout cas, voilà. Et là, eh bien, vous changez de versant. Oui. Alors, en effet, vous dites très bien les choses. C'est un collectif qui est le résultat du travail de 17 auteurs, mathématiciens, historiens des mathématiques et philosophes qui s'intéressent bien sûr aux mathématiques, 9 philosophes et 8 mathématiciens, historiens des mathématiques. Ce livre, vous l'avez souligné, c'est une réaction lointaine à un autre livre, oui, qui est paru aux éditions Ellipse il y a 20 ans, en 1996 très exactement, sous le titre « Les philosophes et les mathématiques ». Et ce dernier livre, qui était lui-même un collectif et qui a rempli dignement sa fonction, présentait à mes yeux peut-être, je dirais, un défaut qu'il fallait rectifier. C'était celui de survaloriser les positions a prioristes ou peut-être innéistes même parfois en mathématiques. D'où un colloque qui a été organisé à Paris par l'Université de Rouen pour essayer de redresser cette situation en choisissant un sujet qui favorise ce redressement et aussi pour permettre l'édition par Hermann d'un texte qui a été ainsi réalisé, en insistant plutôt sur les aspects empiristes de certaines conceptions des mathématiques. C'est-à-dire que l'accent a été mis, par exemple, sur les sophistes plutôt que sur Platon et Aristote, sur Hobbes plutôt que sur Descartes, sur Locke plutôt que sur Leibniz, sur Hume et Diderot plutôt que sur Kant. Donc, et on insiste aussi sur la notion de probabilité, alors qu'il n'en était pas question dans le premier ouvrage. Mais vous parlez de l'empirisme, oui, d'ailleurs, Jean-Pierre Clairaut. Oui. Vous parlez évidemment aussi du scepticisme. Oui. Et vous allez même jusqu'à dire, presque avec des petits guillemets, de matérialisme. Oui, oui. C'est-à-dire que là, donc, vous passez de bord et d'un seul coup, vous regardez ce qu'il en advient des maths face à l'expérience, oui, des maths qui sont, vous me corrigerez après au cours de la discussion, mais qui sont en situation de maths appliquées en particulier, oui, oui, qui peuvent être donc en tout cas les maths qui sont évidemment par excellence le, oui, oui, le vocabulaire de la physique, par exemple. Oui, bien, oui, évidemment, il n'y a pas de physique qui ne soit pas mathématisée. Second ouvrage, revue de synthèse, Charles Aluni. Là, cette fois, philosophie et mathématiques, question d'ordre général, on y reviendra bien sûr, mais là, c'est tout à fait différent comme propos. Mais on va jouer de l'hétérogénéité de vos deux sommaires hein, pour cette émission, qui peut sembler, on a choisi des exemples bien précis, mais qui peut sembler comme ça mis côte à côte, sinon disparate, mais en tout cas éloigné. On verra que pas vraiment, qu'il y a des liaisons et des points, mais en tout cas, vous avez donné la parole à des mathématiciens sur le philosophe barbu. Exactement. Mais d'ailleurs, ce numéro de la revue de synthèse, pour revenir un peu en arrière, c'est un peu la convergence de trois moments, essentiellement. D'une part, c'est très lié à la programmatique du laboratoire disciplinaire Pensée des sciences, oui, qui a été lancé en 1994, donc il y a maintenant plus de 20 ans, dont je dois dire l'axiomatique fondamentale est la suivante: la science pense. Ça, c'est l'axiome de base du laboratoire et qui a été le lieu de rencontre de nombre important de mathématiciens, de physiciens contemporains. La science pense. Je ne citerai pas celui qui fait l'antiphrase de la chose. Passons, hein. Moi, je le citerai. Vous pensez certainement à Heidegger. Eh oui, parce que la science pense, vraiment. C'est précisément pour cela que nous l'avons intitulé aussi laboratoire, intitulé laboratoire disciplinaire Pensée des sciences. C'est disciplinaire, c'est avec Alain Prochian, qui était alors au département de biologie de l'École normale. On avait décidé, contre l'interdisciplinaire, comme un mot d'ordre global, général, un peu vide, de l'appeler disciplinaire, à savoir exposer au mieux, au plus profond, ce qu'une discipline propose, offre, comme espace de recherche, ouverture, etc. Pensez au singulier, d'ailleurs, des sciences, évidemment. Oui, hein, voilà, singulier. Exactement. Et puis, c'est évidemment le lien avec la revue de synthèse dont vous parliez tout à l'heure, la revue de synthèse qui a une longue tradition, puisque c'est la revue du Centre international de synthèse qui a été fondée par Henri Behr en 1900, exactement en 1900, qui a connu des membres aussi illustres que Einstein, Paul Langevin, Lucien Febvre, Marcel Mauss ou Jacques Le Goff, oui, sans oublier Gaston Bachelard, évidemment. Mmh. Et ce numéro sous philosophie et mathématiques, parce que c'est là peut-être ce qui fait la différence avec l'entreprise dirigée par Evelyne Barbin et Jean-Pierre Clairaut, ouais, c'est que c'est sous philosophie mathématique, c'était, avec une volonté particulièrement insistante, Bachelard et les mathématiques. Comme un point à la fois singulier sur ce lien étroit entre philosophie et mathématiques, et en même temps le point cardinal qui est que Bachelard a toujours été considéré comme physicien chimiste, et il a été déclaré, ce qui est devenu une légende à partir de 1974, qu'il ne s'intéressait pas aux mathématiques pures, strictes, c'est ça, etc. Donc le but un peu de cet ouvrage, en reliant justement un discours de philosophes et un discours de deux mathématiciens qui ont travaillé sur les textes de Bachelard, c'est de montrer que précisément c'est tout le contraire et que Bachelard était au fait des avancées les plus évidentes des mathématiques des années 30, 40, 50. Bien sûr. On va y revenir, bien sûr, quand on regardera dans le détail, le contenu en particulier de votre article. Et évidemment, il a enseigné la physique, évidemment, absolument. Il a enseigné donc... et puis on verra, évidemment, l'explication que vous en donnez, qui est une sorte de rendre justice à, on peut dire, d'une certaine manière. On va, c'est devenu une espèce de lieu commun que dire que Bachelard et les mathématiques étaient très éloignées, en particulier les mathématiques très abstraites de son temps, ce qui est totalement faux. Bon, mais cela dit, alors là, on va passer de... et je vous propose de prendre comme premier exemple, pour vous faire intervenir de façon brève, avant d'aborder un grand personnage et un grand théorème avec vous, Jean-Pierre Clairaut. L'idée qui est la suivante, parce que je me demandais si il pouvait pas être judicieux, peut-être, de savoir, en termes brefs, votre sentiment, puisque de toute façon c'est l'objet de sa thèse à Bachelard, mais c'est quelque chose qui maintenant a fini par, d'une certaine manière, s'imposer, et je vous adresse cette question à l'un et à l'autre, je vous l'adresse d'abord à vous, Jean-Pierre Clairaut. Est-ce qu'on peut dire d'une certaine façon que la connaissance est toujours approchée ? Oui, je pense qu'on peut dire que la connaissance est toujours approchée. Il n'y a jamais de mesure exacte. Enfin, il n'y a jamais que des mesures que l'on peut encadrer entre, oui, entre deux ou entre diverses positions. Et on ne peut pas dire quelle est cette position. Si on savait cette position, il y aurait une mesure tout à fait exacte et tout à fait précise. Or, la notion même de mesure exacte et précise est tout à fait contradictoire. Ce qui est exact et précis, c'est l'encadrement. Au fond, il n'y a de mesure que encadrée. Et c'est vrai, bien sûr, quand il s'agit de mesurer des longueurs, c'est aussi vrai, et on va le voir sans doute avec Bayes dans quelques instants, c'est aussi vrai quand il s'agit de mesurer des probabilités. Toute petite remarque, bien évidemment, avec la duplication nécessaire des expériences, il y a un progrès vers l'à peu près, où on repousse l'à peu près, en particulier avec la reconduction et selon des dispositifs encore plus affinés. Donc ça me fait penser à une chose aussi qui généralement est assez peu, parce que ça semble être une espèce de science auxiliaire, alors qu'elle est absolument nodale, ça me fait penser que généralement on méprise la métrologie. Or, la métrologie, qui est la science de la bonne mesure, hein, avec, on voit très bien comment on avait besoin d'avoir des horloges parfaites, et on les a évidemment alignées sur un processus physique qui lui bat la mesure et bat le temps d'une façon qui n'a jamais été plus précise, exactement à l'instar de ceux qui ont décidé de fondé dans quelque chose d'exact qui était donc la circonférence de la Terre, l'unité abstraite qui allait être le maître. Quel est votre sentiment ? Est-ce qu'en quelques mots, on peut dire que on peut insérer la métrologie aussi dans cette volonté d'exactitude toujours approchée ? Bien entendu, la métrologie, on pourrait dire d'une certaine façon que c'est un des fondements de la physique. Parce qu'il s'agit toujours de mesurer quelques grandeurs que ce soit par des instruments en fonction de besoins que l'on a. C'est-à-dire que tout instrument implique forcément quelque chose qui est approximatif. Et ce qu'il s'agit toujours de faire, c'est de contrôler cette approximation. Mais on ne peut pas faire quelque chose d'autre que, d'une certaine façon, tenir compte de cette approximation. France Culture, Continent Science. Stéphane Deligeorge. Suite donc de cette première interrogation sur de l'à peu près, Charles Luni, quel est votre sentiment par rapport à ces considérations-là ? Par rapport à Bachelard, par exemple. Oui, en particulier. Oui. Mais je pense qu'une chose très importante à noter, c'est que Gaston Bachelard a soutenu sa thèse en 1927 et a publié son premier ouvrage qui s'appelle « L'essai sur la connaissance approchée ». Oui. Et évidemment, « L'essai sur la connaissance approchée » pour moi, est un livre absolument prodigieux, fondamental, très technique, qui traite des questions précisément de métrologie. Mais il y a par exemple un chapitre, le chapitre 8 de cet ouvrage, qui s'intitule tout simplement « L'induction ». Ça, c'est un concept sur lequel on pourra revenir. « L'induction, la corrélation et la probabilité » dans leur rapport avec la connaissance approchée. Et dans ce texte-là, précisément, mais dans les autres chapitres aussi, Bachelard aborde de façon, à mon avis, très avant-gardiste, la question des probabilités, qu'il appliquera ensuite à ses analyses de la mécanique quantique, bien sûr, en l'occurrence, à travers son insistance sur des notions comme l'algèbre de Dirac, les opérateurs, etc. Et simplement, je voulais simplement souligner que je pense que c'est le cas pour la plupart des auteurs qu'on a affrontés, mais je pense que un des manques qu'il y a dans les études bachelardiennes, c'est une lecture profonde et même superficielle de ces ouvrages. Parce que ce livre est absolument une espèce de modèle de tout ce qu'il va développer ensuite. Toutes ces idées sont déjà là. Comme avec, un programme. Absolument, c'est tout un programme, mais qui touche aussi bien à la mathématique pure, aux théories fonctionnelles, à la logistique, à l'axiomatique, et évidemment à la connaissance approchée. Et simplement, on a vraiment le sentiment que l'image qui a été donnée jusqu'à présent de Bachelard est une image extrêmement superficielle. Je pense que les utilisations idéologiques de Bachelard, comme par exemple à une certaine époque, Louis Althusser, qui utilisait des formules toutes faites. Oui. Hein, c'est assez savouré d'ailleurs. Montre, on va y revenir. Bon, oui. Althusser qui a passé sa thèse avec Bachelard. Oui, bien sûr. Montre que c'était un usage, certes, qui a été utile dans l'entreprise que formait Althusser, mais qui n'a pas grand-chose à voir avec le détail des ouvrages de Bachelard. Alors nous voilà face à un monument, on peut dire. Cette fois, c'est aussi une forme de connaissance approchée. C'est une forme aussi de connaissance d'approximation de plus en plus grande, hein, avec une réitération de plus en plus vers le débroussaillage des causes et des effets. Et ça commence. On peut pas fêter un anniversaire précis, mais c'est un écrit extraordinaire. Donc, il y a à peu près 300 ans, Jean-Pierre Clairaut, oui. Et qu'on doit à un révérend mathématicien. Alors, un petit mot, bref, sur cette personnalité. C'est un dissenter, c'est un dissident, c'est un presbytérien. Et c'est-à-dire que ce n'est pas un anglican. Hein. Et il a tout de même des tâches de pasteur. C'est un théologien, ça se sent, d'ailleurs, d'une certaine façon, dans son texte. Mais ce qui me semble important, et vous avez parlé de monument, même si le texte est relativement bref, hein, il fait 25 pages peut-être, c'est il se présente en 1764, puisqu'il va être publié en 1764, pour les Philosophical Transactions de 1763, sous le titre « Essai en vue de résoudre un problème de la doctrine des chances ». Mais assez curieusement, ce texte a porté plusieurs titres. Et il en a porté un autre, notamment des tirés à part de ce texte ont circulé, sous le titre « Méthode de calcul de la probabilité exacte de toutes les conclusions fondées sur l'induction ». Donc d'emblée, Price, qui présente le texte, puisque son ami Bayes est mort une année avant, va mettre tout de suite l'accent sur la question de l'induction. Hein, parce que je pense qu'il y a, je sais pas si on peut en parler tout de suite, mais disons qu'il y a deux façons, au fond, le problème posé par Bayes est double, on pourrait dire. Hein. Le premier, c'est un problème temporel. Qui d'ailleurs était seul d'abord qui m'avoir intéressé d'abord lorsque j'ai traduit ce texte il y a longtemps, hein. Et en très gros l'idée c'est que quand nous avons deux événements A et B dans cet ordre, hein, dans cet ordre temporel, et que nous avons le sentiment que B se produit fréquemment si A se produit, alors la probabilité de B si A a eu lieu, hein, eh bien, c'est égal à la probabilité des deux événements ensemble, A et B, divisé par la probabilité de A. Hein. Alors, ça paraît évidemment très abstrait, Jean-Pierre Clairaut. Ça paraît évidemment très abstrait. Hein. Et en plus, il va montrer, parce qu'il estime que ce théorème comme tel n'est pas suffisant. Il faut aussi montrer, en quelque sorte, le théorème inverse. Et il va montrer que pour les causes, il s'agit exactement de la même chose, hein, d'une certaine manière. Hein. Donc, il y a peut-être ce premier point qui est un problème, je dirais, purement temporel qui est posé. Est-ce que je peux vous proposer la chose suivante, parce que vous avez utilisé le mot d'induction. Oui. Ce qu'on pourrait peut-être poser, c'est d'abord ce que c'est qu'une probabilité, dans son sens le plus courant, j'ai une pièce de monnaie, je la jette. La chance qu'elle tombe sur pile ou qu'elle tombe sur face est 1/2. si la pièce est parfaitement équilibrée. Si c'est pas une pièce qui a été pipée, bien évidemment. Hein. Donc on voit que là, on a une probabilité simple. Maintenant, il y a évidemment des événements très très importants en nombre. Et là, on se retrouve vis-à-vis de masses statistiques sur lesquelles aussi on peut essayer de faire des inférences probabilistes. Oui. Hein. Et on va être là devant une situation où, en tout cas, jusqu'ici, on peut parler que de membres a priori. C'est-à-dire la considération qu'on a à un moment donné, avec cette probabilité que l'on a. Et je traduis en termes simples au fur et à mesure, mais vous allez revenir aux explications plus subtiles et plus savantes. Et là, ce qu'il faut peut-être insister, c'est peut-être le mot d'induction. Ce que je vous propose, et vous allez me dire si je me trompe, c'est que avec Bayes, on va tenir compte de la manifestation d'un fait. C'est-à-dire que bon, il y a une probabilité de savoir s'il va pleuvoir, et puis tiens, je vois le trottoir mouillé. Oui. Et je vais faire quelque chose avec. Et c'est très étrange parce que je vais faire quelque chose avec un drôle d'opérateur qui va être donc dans une égalité, il va y avoir un quotient aussi. Alors, reprenons. Alors, donc, c'est en effet, on pourrait dire d'une certaine façon que les choses ont souvent été présentées ainsi, que la règle de Bayes est l'inverse de la loi de probabilité qu'on appelle des grands nombres, qui a été énoncée par Jacques Bernoulli. Hein. En très gros, il s'agit de cela. C'est-à-dire que dans la loi des grands nombres, vous avez énormément d'expériences qui sont possibles, et vous n'allez pas les faire toutes pour savoir si, par exemple, l'événement A est régulièrement suivi par l'événement B. Hein. Il suffit d'en faire un certain nombre, et vous pouvez être à peu près certain que les choses se produisent véritablement selon une certaine régularité. Bon, chez Bayes, les choses vont être différentes, parce que il s'attaque à un problème différent. Il s'attaque à un problème où il n'y a pas pléthore d'informations. On sait que, par exemple, l'événement A est suivi de l'événement B assez régulièrement, c'est-à-dire que l'événement B parfois a lieu, parfois n'a pas lieu, et on essaye de se demander si l'événement A se produit, avec quelle chance d'avoir raison je dis que l'événement B va se produire. C'est-à-dire que je suis médecin, par exemple, je vois un symptôme qu'on va appeler A. Mmh. Régulièrement, ce symptôme est suivi d'un autre symptôme qu'on va appeler B, ou d'un ensemble de symptômes qu'on va appeler B, ou du développement d'une maladie qu'on va appeler B. Hein. Eh bien, je vais, lorsque je vois un malade qui présente le symptôme A, supposer d'une certaine façon qu'il pourrait avoir les symptômes B, et évidemment cela peut être important pour les soigner, hein, mais je le fais évidemment avec des chances de me tromper, surtout si la maladie n'est pas très connue, si elle n'est pas répertoriée, si j'ai pas de statistiques sur cette maladie. Donc là, je vais, à partir du peu de cas dont je dispose, essayer d'assigner un degré de probabilité à une subséquence ou à une certaine suite, hein, d'événements. Voilà comment les choses se passent chez Bayes. Et il me dit avec quelle chance d'avoir raison j'ai le droit d'assigner un degré à une probabilité de subséquence. Que je prendrais A suive B. C'est ça. Et que je prendrais temporairement dans ma croyance. Voilà. Mais là, c'est l'évaluation, parce que d'une certaine façon, le coup le plus magique, c'est que si on fait le distinguo entre a priori et a posteriori, c'est qu'on va se retrouver avec cette malice-là, c'est qu'on va utiliser l'a posteriori pour raffiner encore la possibilité de comprendre mieux les probabilités de chance. Dans le cas médical, ça s'utilise maintenant de façon systématique, puisque de toute façon, on en fait presque un algorithme. Je vais le dire de la façon la plus abstraite, pour bien voir, quand on part donc de cette phrase, je vais la dire, comme ça va être du chinois pour évidemment beaucoup. La probabilité a posteriori d'une hypothèse étant donné certaines observations est égale à la probabilité de ces observations étant donné l'hypothèse multipliée par la probabilité a priori de l'hypothèse et divisée par la probabilité des observations. Oui. Donc on voit très bien, hein, que de l'équation, c'est évidemment, il y a dans le premier membre c'est cette partie-là hein, qu'on peut désigner rapidement comme un a priori. Et après, il va y avoir donc cette considération. Là, vous avez, si j'ose dire, la version laplacienne de la règle de Bayes. Hein. Oui, c'est vraiment très gros. Chez Laplace, il n'a pas du tout une lecture sceptique de la règle en question, mais il essaye de montrer que, en réalité, on peut avoir le choix entre diverses hypothèses, hein, et que on peut quantifier, on peut assigner une mesure à chacune des hypothèses et choisir l'hypothèse qui nous arrange ou l'hypothèse qui nous semble être la plus plausible dans une situation donnée. Donc la lecture de Laplace, ça a été essentiellement donc une lecture qui vise à trier des hypothèses et à faire en sorte, se mettre en position de choix d'une hypothèse par rapport à d'autres. Jean-Pierre Clairaut, vous dites que c'est la position, évidemment, il a mis un peu d'ordre, enfin pas de l'ordre, mais il a en tout cas spécifié d'une certaine manière, puisqu'il était très intéressé par, évidemment, les probabilités, et pas seulement par mettre au propre toutes les lois de la gravitation, bref, tout l'appareil de Newton. Mais en tout cas, pour revenir au révérend Bayes, là, c'était... Ça vient dans une tradition qui est quoi? Parce que il faut tenir compte, c'est pour ça aussi qu'il y a peut-être le terme d'induction, il faut tenir compte à un moment d'une observation faite. Oui. Et on en fait quelque chose. Oui. Hein? Il faut tenir compte qu'on est en 1763. Oui. Même si la règle a sans doute été écrite un peu avant. Mais on est dans une période qui est une période de crise du newtonianisme. Oui. C'est-à-dire, en très gros, les lois de Newton, qui sidéraient au XVIIe siècle par l'impression qu'elles étaient extraordinairement précises et rendaient compte des choses quasiment elles-mêmes, eh bien, est venue une période de mise en doute, d'une certaine façon, de ces lois. On voit ça avec D'Alembert, on voit ça avec Clairaut, on voit ça avec plusieurs mathématiciens. Et Bayes vient d'une certaine façon s'inscrire dans cet univers-là. C'est un univers dans lequel on met en question l'idée de loi qui serait extraordinairement précise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de loi précise. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais dire, lorsque on a eu toute une série de subséquences, A, B, A, B, A, etc., bon, eh bien, on ne peut jamais dire d'une certaine façon que la chose se reproduira avec une certitude totale. Donc, le résultat de ce texte, c'est d'une certaine façon une mise en doute de la loi. Hein. Aucune loi n'est véritablement intégralement vrai. Il est impossible d'avoir des lois intégralement vraies. Et Price prend par exemple l'exemple du lever du soleil. Il dit vraiment, c'est celui qui publie. Price est celui qui publie le texte de Bayes, et il montre d'une certaine façon que ce n'est pas parce que le soleil s'est levé chaque matin que d'une certaine façon il va continuer de le faire. On n'est pas absolument certain. On a évidemment une certitude très grande, mais pas totale. Alors, ce qui est important dans toute cette affaire, et là on voit bien que on comprend bien pourquoi finissez la chose votre est sentence, importante. Mais il faut vous introduire un personnage, mais finissez votre sentence. Je termine juste le point, c'est que on est dans un univers dans lequel le christianisme défend l'idée de miracle, par exemple. On défend l'idée que le Christ est ressuscité, qu'il est monté au ciel, en fait, etc. Bon, bien sûr, on peut y voir beaucoup de symbolique, mais en même temps, la résurrection n'a pas l'air si symbolique que ça. Est-ce que c'est plausible de dire qu'il y a eu quelque chose, un événement comme la résurrection, alors que elle est complètement apparemment impossible par les lois de la biologie? Alors, voyez, l'idée, c'est que chez Price et Bayes, on essaye d'affaiblir un petit peu cette précision de la loi. C'est-à-dire qu'une exaction à la loi est toujours possible. En fait, il y a une place évidemment au miracle, si j'ose dire. Pourvu, bien sûr, qu'il ait lieu très peu de fois. En tout cas, le personnage qu'il faut évidemment introduire, et en plus qui fait l'objet de l'un de vos articles dans l'édition donc de l'ouvrage aux éditions Hermann, c'est Hume qui est dans la position évidemment de dire je ne suis pas sûr que demain le soleil se lèvera, et il n'y a aucune idéalité légale qui puisse me permettre de le dire. Et c'est ce scepticisme là qui, entre autres, je le dis vite, a réveillé de son sommeil dogmatique le dit Kant, qui a reconstruit tout son appareil critique à partir de ça. Mais ce qui importe aussi, parce que là tout à l'heure vous faisiez allusion, Jean-Pierre Clairaut, aux questions qui se jouaient à l'époque, il y en a beaucoup qui se jouent sur justement l'infiniment petit en particulier, hein, toute la métaphysique de l'infinitésimal. Donc on voit aussi le rapport avec, bien sûr, avec le calcul mobilisé pour les lois de la gravitation, le calcul différentiel intégral chez Newton, ça parle de la proposition de Leibniz, ainsi de suite. C'est tout ce débat-là hein, qui existe ce moment-là. Alors revenons à notre révérend encore une fois. Comment peut-on encore le caractériser ? J'avais pris cet exemple, et c'est donc sous votre contrôle que je vais le proposer, qui est le suivant. On sait très longtemps, donc on a réfléchi, c'est un exemple qui va être très très trivial, mais très longtemps on a considéré que l'ours des cavernes, dans sa disparition, avait comme cause l'activité de chasse de l'homme. L'homme chasseur, grand chasseur de grande faune, et qui a rasé de la terre la présence de l'ours des cavernes. Et puis des observations, alors cette fois purement empiriques, on est là dans la posteriori hein, de cette première considération qu'on avait tenue, Homo sapiens chasseur a donc chassé l'ours. Et là, d'un seul coup, on se rend compte que, du fait de l'essor démographique, il y avait la présence très nombreuse d'hommes qui vivaient simplement dans les cavernes et qui les utilisaient comme habitat. Et à partir de là, on a repassé ça à la moulinette, entre guillemets bayésienne, c'est-à-dire qu'on est revenu sur les considérations qu'on avait, qui étaient toutes dans la partie a priori hein, de ce calcul modèle, et a fait apparaître que l'explication parmi le faisceau des causes possibles, la bonne explication, ça n'était pas la chasse, mais c'était la présence de l'homme qui contrariait l'ours dans son hibernation, qui doit être tranquille. Mais voilà un bon exemple. C'est un bon exemple. C'est tout à fait plausible. Vous avez encore une fois une lecture très laplacienne de cette règle, que vous n'utilisez pas d'une manière sceptique, mais que vous utilisez pour faire varier d'une certaine façon le caractère plausible de telle hypothèse par rapport à telle autre. Alors employez-le de manière sceptique, alors pour qu'on comprenne. D'une manière sceptique, ça voudrait dire simplement que vous mettez en cause une induction. C'est ça l'idée importante. Hein. C'est-à-dire que vous faites une place simplement à quelque chose qui pourrait être contraire à une régularité très très grande qu'il est nécessaire de poser si vous voulez des lois. Hein. C'est-à-dire que les lois semblent au XVIIe siècle et XVIIIe siècle des lois en quelque sorte parfaites. Et d'une certaine façon, l'idéal scientifique est d'essayer d'obtenir ces lois parfaites. Ce qui est intéressant dans ce mouvement bayésien, c'est que on essaye de montrer que c'est pas possible. On ne peut pas avoir quelque chose comme une loi parfaite. Quand bien même, de mémoire d'homme et de mémoire d'humanité, on aurait des subséquences régulières, extrêmement régulières, on n'aurait jamais que des probabilités, des chances d'avoir raison en recherchant simplement une subséquence qui, et plus exactement une loi qui permettrait d'avoir des subséquences tout à fait parfaites et régulières. Thank you. bien voilà, passé largement d'ailleurs le mi-temps de ce rendez-vous de Continent Science, toujours en compagnie de Jean-Pierre Clairaut et de Charles Aluny. Nous venons donc de passer un moment dans l'univers bayésien. Petite précision d'ordre général, il faut dire que pratiquement la majorité des disciplines maintenant, alors évidemment en épidémiologie, en médecine, mais en génétique, voire en astrophysique, on est avec cette situation de mobilisation donc de probabilité bayésienne, où on voit que c'est depuis les conséquences que l'on remonte vers les causes de façon incessante pour arriver à démêler le tien du mien, si je puis dire. Charles Aluny, première jonction, si je puis dire, oui, entre notre affaire de révérend et la beauté d'ailleurs. Il faut dire que c'est quand même extraordinaire, non? Entre le révérend et le barbu, effectivement, il y a une chose très importante. Oui. C'est que 2 ans après l'essai sur la connaissance approchée, Gaston Bachelard publie un ouvrage qui s'intitule « La valeur inductive de la relativité ». Oui. Bien. Alors là, c'est intéressant parce que c'est une, disons, une déclinaison de la notion d'induction tout à fait nouvelle. Tout à fait nouvelle parce que déterminée, commandée par la valeur inductive des mathématiques. Mais à l'ordinaire, l'induction, c'est simplement la recollection permanente d'exemples singuliers pris dans la nature. Exactement. Et qui permettent d'arriver à un concept d'ordre général. Et absolument. Là, on arrive à la querelle des universaux. Évidemment, je ne vais pas insister sur l'importance de cet ouvrage qui est absolument étonnant, puisque c'est certainement le livre de philosophie de la relativité générale. Il y en a eu d'autres, il y a Ernst Cassirer, comme on le sait, qui a écrit. Mais cet ouvrage-là est particulièrement important sur l'analyse de l'apparat mathématique fondamental pour la relativité générale, à savoir le calcul tensoriel. Mmh. Donc je passe là-dessus, mais rien qu'à voir les 2 premiers chapitres de cet ouvrage, le premier qui rejoint le début de nos discussions, s'intitule « Les doctrines de la relativité et l'approximation newtonienne ». Donc on retrouve ces questions sur l'approximation. Et le deuxième, c'est l'induction mathématique dans les doctrines de la relativité. Alors déjà, en ce qui concerne la relativité, pour éviter tout relativisme, pour Bachelard, l'idée de la relativité se résume en une recherche fondamentale de points de vue équivalents. Et ça me fait penser que Einstein, c'est finalement, relativité est un mauvais mot, disons. Oui, on pourrait dire non-simultanéité, si on voulait qu'il prête à confusion, évidemment. Et ce qui est important, c'est que Einstein avait proposé, d'ailleurs, de remplacer le terme théorie de la relativité par le terme de Standpunktlehre, qui est la théorie des points de vue. C'est ça. Hein. Et de plus, la question des observateurs, exactement, en particulier pour les référentiels qui bougent. Et donc, on pourrait dire, c'est le cas de Bachelard, c'est sous-tendu par son entreprise, c'est que la théorie de la relativité, c'est une recherche de ce qui n'est pas relatif, précisément. C'est une recherche des invariants. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que cette induction relativiste ? 3 ans avant, il y avait un ouvrage de Meyerson qui était sorti. Émile de son prénom. Émile, qui avait sorti un ouvrage qui s'appelait « De la déduction relativiste », préfacé par Albert Einstein d'ailleurs. Oui, vous m'avez appris. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette préface d'Einstein. Oui, vous m'avez précisé, je peux le dire d'un mot, mais qu'il y a eu vraiment une insistance. Et comme Einstein était en définitive quelqu'un de très gentil, il a fini par lui donner cette préface. Il a fini par céder. Il l'a cédé, oui. Après l'encerclement de Meyerson, ce qui a conduit d'ailleurs dans l'histoire, toutes ces histoires, à présenter Meyerson comme étant le seul représentant philosophe justifié. Puisqu'il y avait une préface d'Einstein, donc voilà. Donc je passe là-dessus. Avec Cassirer, il y a des lettres, et Bertrand Russell, bien évidemment, a écrit un livre absolument somptueux au même moment. Donc je passe sur ce point, mais évidemment, le titre de Bachelard n'est pas étranger à la publication de cet ouvrage de Meyerson. Et la position de Bachelard s'oppose tout à fait à Meyerson. Mais c'est son punching ball permanent, on a l'impression, conceptuellement. Absolument, en particulier sur les questions du réalisme, oui. Sur un tas de questions, mais y compris sur les mathématiques, puisque ce qui faisait le désaccord d'Einstein avec Meyerson, et il le dit dans la préface, il le dit ailleurs, dans des lettres, c'est que, pour Meyerson, la déduction relativiste, c'est une déduction géométrique, et d'une géométrie qui est très pauvre, qui est la géométrie pré-riemannienne. Par contre, chez Bachelard, c'est tout à fait différent. Alors, que signifie valeur inductive de la relativité ? Eh bien, le modèle pour Bachelard, qu'il prend comme modèle, c'est l'induction électromagnétique. Pas du tout l'induction pragmatique, logistique, logiciste, etc., qui a ouvert la voie aux recherches d'Einstein et qui l'ont conduit aux deux théories de la relativité. Bien sûr, puisque son souci était de recommencer le coup de l'unification. Exactement. Hein? Et justement, sur cette question d'unification, vous faites bien d'y insister, c'est que l'analogie inductive, qui correspond à l'expérience de pensée opérée sur l'effet réciproque qu'un aimant et un conducteur en mouvement relatif exercent l'un sur l'autre, de l'aveu même d'Einstein, fut le motif inducteur de sa découverte du principe de relativité. Alors Einstein déclare dans un manuscrit, ce manuscrit Pierrepoint, il déclare ceci, qui rejoint ce que vous disiez, que ce soit l'aimant ou le conducteur qui bouge, cela est sans importance. C'est seulement une question de mouvement relatif. Cependant, l'idée que deux cas essentiellement différents soient en jeu m'était insupportable. Cependant, l'idée que deux cas différents, essentiellement différents, soient en jeu m'était insupportable, mais la différence entre les deux, j'en avais la conviction, ne pouvait être qu'une différence dans le choix du point de vue et non une différence réelle. Et donc on trouve là la symétrie entre aimant-circuit électrique et d'autre part la symétrie accélération-champ gravitationnel. Oui, bien sûr. Et c'est dans ce sens-là que Bachelard utilise le concept d'induction. Avec sa spécificité. Donc, l'essentiel de votre contribution, Charles Aluny, est de dire, face à cette contre-vérité, et en particulier là, on pourrait prendre cet exemple, que, évidemment, il était tout à fait au courant des types d'espaces très abstraits que mobilise obligatoirement, bon, d'abord la notion de tenseur, qui est donc une notion d'un calculateur qui est très difficile, et aussi la nature de l'espace dans lequel se déploie donc la relativité d'abord restreinte, et puis après, évidemment, la relativité générale dont on fête le centenaire cette année. Donc voilà, c'est notre petite contribution. C'est d'ailleurs assez intéressant de voir cette sorte d'opposition d'interprétation entre ce Meyerson tout le temps déductif et la plus grande subtilité de Bachelard. Et ça, vous y revenez beaucoup. En particulier, vous dites que on peut donner on peut incarner la chose. Il n'était pas au courant. Il a été vraiment mis à mal, en particulier par un certain Martin. Tout à fait. Hein, un logicien Martin. Absolument. C'est Roger Martin qui, ouais, en 1974, à Cerisy, qui était consacré à Bachelard, bizarrement, dans des déclarations tout à fait auto-contradictoires, pour un logicien c'est assez étrange, il déclare à la fois que les mathématiques sont incontournables dans l'œuvre de Bachelard, et il dit, mais finalement, Bachelard ne s'intéressait pas aux mathématiques. Il ne s'intéressait pas aux mathématiques contemporaines. Et pourquoi cela? Parce que dans ses textes, on pourrait toujours chercher des développements sur la théorie des fondements mathématiques. Or, la question, c'est que pour Bachelard, ce n'était pas ça qui l'importait au premier chef. Et il a, tout au cours de ses différents travaux, il a beaucoup insisté sur le problème, le rôle, la fonction de l'axiomatique. Il a commenté des textes de Hilbert, en particulier le Hilbert commentant la physique, oui, hein, et rejoignant les questions Einstein, la relativité, etc. Et donc, fondamentalement, très étrange que Roger Martin, qui a pourtant lu Bachelard, ne serait-ce que laissé sur la connaissance approchée, si on faisait la liste des problèmes de mathématiques de pointe contemporaine en 1927, on a affaire qu'à la prise en compte de travaux, aussi bien en algèbre, aussi bien les théories de Galois, aussi bien le calcul tensoriel, etc. Oui, on peut là, en rendant justice à Bachelard, on peut dire d'une certaine façon que ça se lit aussi dans l'extraordinaire attention qu'il prend à la lecture de et voilà que son nom m'échappe, ce grand épistémologue des mathématiques qui a été aussi un grand résistant. Ah, bien sûr. Cavaillès et Lotman. Cavaillès et Lotman. Il y a des correspondances de Bachelard sur Cavaillès et Lotman qui, évidemment, les prend d'une certaine façon sous son aile et qui dit « si seulement nous pouvions être au moins 10 et travailler comme vous le faites ». Et il avait des liens très étroits avec ces deux-là. Et on sait que Cavaillès et Lotman, c'est une communauté de pensée, d'ailleurs, dont on se reconnaît, aussi bien au laboratoire que dans ce type de travail sur philosophie et mathématiques, et à travers lequel les mathématiciens contemporains, je veux dire Alain Cohn, Yves André, René Guittard ou d'autres, se reconnaissent aussi. Alors, nous nous acheminons lentement et vers la fin, malheureusement, de ce rendez-vous de Continent Science. De façon rapide, puisque le temps nous manque, mais je voudrais lancer encore quelques généralités à nouveau. Alors, la première que je vous adresse, tout d'abord, Charles Lalunier, la suivante, mais si vous pouviez faire vite, pourquoi est-ce que, comment on peut caractériser le fait que, presque de façon systématique, Bachelard parle de surrationalité? Ah oui, sur la question. Quelle est cette question? Bon, évidemment, il a eu des contacts en particulier avec Zara, avec les surréalistes. Donc, le surréalisme l'a beaucoup intéressé. Oui. Mais tout est sur quelque chose. Hein. Oui, absolument. Il y a surrationalisme, absolument. Il y a le surobjet. Surobjet, voilà. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Il y a même la surdialectique, parce qu'il avait un rapport très très étroit avec la dialectique, dont certains se demandent est-il hegélien, n'était-il pas hegélien, que faisait-il? Oui, là, je ne vous suivrai pas. Disons que la notion de surréalisme, c'est, moi j'appellerais ça l'attracteur surrationaliste. En fait, c'est assez intéressant même sociologiquement parce que c'est l'engagement de Bachelard auprès du Front Populaire. Car c'est en 1936, dans une revue qui a connu qu'un seul numéro, qui s'appelait Inquisition, et le sous-titre était « Organe du groupe d'études pour la phénoménologie humaine », qui était aux éditions sociales internationales, qui étaient les éditions du Comintern, que Bachelard publie le premier article intitulé « Surrationalisme ». Alors, c'est intéressant parce que qui y avait-il dans cette revue? Ça, c'est intéressant aussi parce qu'on pourrait parler de l'importance des revues comme propagateurs de sciences, de relations entre sciences, philosophie, etc. Mais il y avait Roger Caillois, qui était le cofondateur avec Georges Bataille. Ouais. Et Michel Léris du Collège de Sociologie en 1939. Il y avait Jules Monod, cofondateur en 1946 de la revue Critique. Évidemment, Tristan Tzara. Donc, sont tous réunis dans ce volume où Bachelard donne, en gros, le mot d'ordre qui est celui de surrationalisme. Alors, Bachelard dit que c'est à propos de sa lecture de Tzara et de sa notion de rêve expérimental, c'était le concept de Tzara, que Bachelard imagine, lui, une raison expérimentale. Et c'est à la fois une dialectique interne sur elle-même et une dialectique externe sur l'objet, et l'interférence des deux déterminant des surempirismes, je le cite, surempirismes d'une étrange mobilité, d'une étrange force novatrice. Oui. Alors, pour conclure, là encore, je vous adresse cette question, Jean-Pierre Clairaut. On va essayer de façon un petit peu artificielle et un peu forcée, mais de cohérer un petit peu tout ce qui s'est dit au cours de ce rendez-vous. C'est que évidemment, on a parlé de l'à peu près, on a parlé donc de la connaissance approchée. Est-ce que quand même, c'est avec ces mathématiques et l'expérience, et c'est peut-être la dernière question que je vous adresse, est-ce qu'on peut pas dire que, de toute façon, il ne peut y avoir d'intelligibilité de phénomène quel qu'il soit, mais de phénomène complexe, que avec, évidemment, la mathématisation? Oui, oui. C'est-à-dire, qu'est-ce que fait exactement les mathématiques? Qu'est-ce que font les mathématiques? Bon. Oui. Est-ce que, en quelques mots, malheureusement. Elles essayent de saisir l'essence des choses? Oui. Est-ce que elles ne font que mettre en ordre? Oui. Des phénomènes? Est-ce qu'elles ne font que les déterminer de manière extrêmement précise? Bon, effectivement, tout ça, ce sont des options possibles à l'égard des... Enfin, entre mathématiques et expérience, il y a énormément de places, de possibilités qui sont un petit peu explorées dans le livre. Oui. Mais je crois que vous cherchez un petit peu des liaisons entre les deux exposés, fussent-ils quand même très différents. C'est que je crois il y a au moins deux points. C'est la question du point de vue qui a été constamment en cause. C'est-à-dire que chez Bayes, vous n'avez jamais une science qui dit quelque chose sur les choses, mais qui dit quelque chose sur le sujet qui est en train de traiter des choses. Avec l'ambiguïté, bien du sûr, mot est-ce subjectif. Est-ce qu'il est dans la science? Est-ce qu'il est hors science? Est-ce que c'est ça, les probabilités subjectives. C'est évidemment pas la loi d'Heisenberg qui est en cause chez Bayes. Bien sûr. Bon, mais il sera possible de raccrocher les choses. Bon, et de faire effectivement. Bon, et le deuxième point, c'est peut-être la question question d'objet, de surobjet. Alors, parce qu'il me semble que ce surobjet, il est d'entrée de jeu, d'une certaine façon, dans les sciences. Il ne faut pas imaginer que le surobjet n'existe qu'au XXe siècle avec la théorie des quantas. Et elle est d'emblée. Quel est l'objet dont parle Bayes? C'est très compliqué à dire. Quel est l'objet même dont parle la loi de Galilée quand il parle d'élever le temps au carré? Qu'est-ce que c'est que cet objet-là, hein? Bon, je pense que les sciences sont d'emblée dans cette notion de surobjet, c'est-à-dire un objet qui n'est pas intuitif, qui n'est pas directement, qui s'adresse pas immédiatement à notre intuition. Oui, et toute la façon, science a cessé de construire des objets qui ne sont pas intuitifs. Donc on peut dire que pratiquement tout l'établissement, et en particulier de la science la plus mathématisée, mais ça pourrait aller très loin avec la génétique formelle, ainsi de suite, on pourrait dire que tout le temps, la science, d'une certaine manière, se pose comme contre-intuitive, oui, hein, et qu'elle sort du sens commun. C'est ça le point. Même si beaucoup ont revendiqué l'appui du sens commun, en particulier dans certains courants de la philosophie analytique. Mais à chaque fois qu'on le fait, on risque d'être en porte-à-faux à l'égard de la science. Et vous diriez que chaque fois, il faut que ce soit dans le filet d'une théorie? Oui, certes. Très bien. Ben écoutez, merci en tout cas d'être venu pour ce rendez-vous merci de Continent Science. Je redonne donc le nom de vos différentes publications concernant la revue de synthèse dans sa livraison du numéro 1 et 2 de l'année 2015, Philosophie et mathématiques, ça, bien sûr pour Charles Aluni, et Les mathématiques et l'expérience, sous la direction d'Evelyne Barbège et de Jean-Pierre Clairaut. Ce qu'en ont dit les philosophes et les mathématiciens, le tout publié chez Hermann. C'était Continent Science. Merci bien sûr de votre attention et de votre fidélité. Vos remarques et vos critiques sont les bienvenues. Aujourd'hui pour la mise en onde et aux manettes, Jean Frédérix. Pour la documentation, Thierry Beauchamp. À la réalisation, Dany Journeau. C'était une émission de Stéphane Denis-Georges. Continent Science et balado diffusé, comme vous le savez, donc vous avez la possibilité de nous télécharger le temps d'une grande année et de nous écouter pendant 1000 jours.